Vous êtes assez fous pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Les aventures musicales de Kiwan en cavale en Alberta. On reçoit Xavier Antoire avec sa chronique Tais-toi et cuisine. On a aussi un résumé des nouvelles sportives avec Nicolas Ducharme et du sport. Assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à cette édition d'Assemblage requis en ce lundi 30 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Oh, ouais. Ton nom, c'est Mathieu Plante. Ouais, le mien, en tout cas. Je sais pas pour toi. Là. Moi, c'est François Olivier. C'est pas aussi Mathieu Plante, ton nom? Non. Ah, parce que je me disais, il y a deux tellement souvent Plante. Que ça peut être deux personnes. Ça doit être un nom assez fréquent. Ben, en fait, oui. Plante, moins. Ouais. Mathieu, oui. Mathieu, c'est très biblique, hein? Ouais, bon. Amen. Amen, s'il vous plaît. Amène-moi ça. Lui, c'est François-Olivier Marchand, évidemment. On t'en dirait les sauts de 6x3 Rivières. Aujourd'hui, à l'émission, on a Kiwan en cavale en Alberta. Oui! Vous savez, Kiwan, disons, je sais pas, il affronte vents et marées. Mettons. Okay. Il vente là-bas? Je sais pas. Ou il neige. Ou il neige, peut-être. Ouais, vents peut-être. Et neige, donc. Pour nous parler de musique canadienne, et aujourd'hui, on va entendre les groupes Islands et Shout Out Out Out. Là. Shout Out Out Out. C'est très, très bon. Ces deux groupes-là, je les connais. Je trouve ça super bon, mais ils ont de nouveaux albums et je les ai pas encore entendus, donc j'ai très hâte. Ensuite, ça, c'était à 7h15 environ. À 8h, on va voir Xavier Antoir et sa chronique Tais-toi et cuisine. OK. Toujours excitant, ça. Il nous fait de la bouffe et il nous apporte d'été. Ouais. Pourquoi le demander mieux? Pas chaque semaine, je sais pas, là. Ah, on sait pas. Mais je pense que c'est pas cette semaine qu'on va avoir des thés alcoolisés. Non, c'est l'autre après. Ça, c'est l'autre après. Cette semaine, c'est accord 20. J'ai bien compris. Thé et mai, je crois. Ça se peut-tu? Ça se peut. Ah, ça, c'est à 8h. Bref. À 8h30, Nicolas Ducharme et sa collègue Ducharme et du sport. Hein, les survols, là, le survol des actualités sportives des derniers jours, de la dernière semaine. Tu connais ça, toi, le sport? On connaît ça. Puis c'était une grosse fin de semaine. Il y avait d'ailleurs le match des étoiles. Match des étoiles! Non? Ouais, on fait attention. Pas ça, là. Au niveau du hockey, de la Ligue nationale de hockey, le Pro Bowl au niveau de la NFL. Ah. Donc, je sais pas. Match de la LNH que j'ai trouvé très plate. Je sais pas ce que Nick en a pensé. C'est ce qu'on va savoir vers les 8h30. Moi, je l'ai bien aimé, ce match-là. Ouais, tu l'as même pas écouté. Il avait l'air bon. Ouais. Bon. On a aussi la collègue Geek CNX, bien évidemment, dans l'émission d'aujourd'hui. On commence avec East Road, formation locale qu'on aime bien. Oui, on commence avec ça? Ben oui! Oh, ça part bien. C'est a long way to go! 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Bonne émission. Bonne semaine aussi. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine. Song to my ears, just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Give my mind a dancing through the evening, casting shadows.

Madcap for QD ce matin. On n'en fait pas jouer assez souvent. Ben non, je sais bien. Puis c'est toi qui as eu l'idée en plus. C'est un de mes groupes préférés, j'adore ça. C'est très bon. On n'en fait jamais jouer. C'est très bon. Ben oui. Avant de passer à Kiwan en direct de l'Alberta, on écoute une autre pièce. Voici Valès Pariétaire et le filet et la dune. Assemblage requis jusqu'à 9h. Pariétaire et la pièce Le Filet et l'Abîme à Assemblage Requis au 89 FM. Maintenant, on se rend comme si on part notre canyon. On s'en va loin. On s'en va loin faire un petit road trip. Hein? On amène des trips puis on s'en va faire un road trip en Alberta. Voici Kiwan en cavale. Salut Kiwan. Hey, bon matin! Bon matin! Ça va? Ça va bien? Oui, super. Toi, ça va? Oui, ça va très bien. Oui. Bon, on se renvoie la balle du ça va comme ça toutes les semaines, sans trop savoir où ça va se rendre. Donc, Kiwan qui est en direct de l'Alberta pour nous parler de musique canadienne. Oui, oui, aujourd'hui, je vais découvrir un groupe que vous connaissez peut-être déjà, qui a quand même déjà eu assez de succès, mais un groupe de l'Alberta. Je vous parle aussi de Island qui sort leur prochain album. Mais vous savez, la semaine passée, je vous avais fait entendre la musique très folk, un peu même country-ish. Oui. Parce que c'est quand même un courant qui est assez populaire ici, qui est assez représentatif. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un autre aspect de l'Alberta, parce que quand même si beaucoup de groupes ont un son très folk, et même si le folk est un peu présent dans tous les types de musique, il y a quand même aussi des groupes qui sont très, très, très différents. Et puis, parmi un de ces groupes-là que j'aime beaucoup, il y a Shout Out Out Out Out. Oui, c'est bon. Donc, ça, tu me disais, Mathieu, que tu connaissais déjà ce groupe-là. Un peu, pas tant que ça, mais oui, un petit peu. J'aime ce que je connais. C'est un groupe électro. Quand on lit sur eux, là, il y a vraiment plein de types de musique, de d'expressions ou de termes qui est accolé à leur son. Et la plus drôle que j'ai entendue, c'était qu'ils font du dance électro-punk. Finalement, au son, je dirais que ça sonne assez quand même électro, tout simplement électro. Il y a quand même un peu d'éléments rock. Je dirais électro-rock peut-être pour leur son. Mais bref, c'est pas vraiment important. Donc, ce groupe-là qui vient de Edmonton ont sorti deux albums jusqu'à maintenant. Ont commencé le groupe s'est créé aux alentours de 2004. Leur premier album complet était en 2006, Not Saying, Just Saying, qui est entre les deux, qui est personnellement mon préféré, leur premier album. Et ensuite, en 2009, ils ont sorti un deuxième album qui s'appelle Reintegration Time. Et la pièce qu'on va écouter va être extraite de cet album-là, vu que c'est le plus récent. Mais je vous en parle parce que c'est un groupe que j'aime de l'Alberta, mais aussi parce que on parle d'un album en 2012 pour Shout Out Out Out Out. Elle serait apparemment présentement en train de préparer ça, cet album-là, pour la sortie en 2012, mais pas de date encore. Donc, ce sera à surveiller pour la prochaine année. Et c'est ça pour Shout Out Out Out Out. C'est comme mélangeant de compter les outs. Ouais. Il y a combien? 4 là-dedans, je pense. Oui, c'est ça. Il y en a 4 après le shout. Ouais. Tu peux pas en oublier, tu peux pas en mettre d'inutiles non plus. Là, c'est pas évident. Faut les réserver un petit peu. Et avec parcimonie. Donc, la pièce qu'on va entendre de Shout Out Out Out, ça va être Bad Choices. Mais juste avant, je veux vous parler aussi de Islands, que vous connaissez sûrement très bien aussi, Islands. Ben, un peu, mais pas tant que ça non plus. On a reçu CD ici. Ah, je savais même pas. Oui, on a reçu ça. Ça n'a pas roulé tant que ça. Non, c'est ça. C'est un groupe qui, même s'ils ont plusieurs albums, puis ils ont quand même un nom qui est assez fait dans l'underground, c'est pas un groupe qui est non plus très, très populaire. C'est un groupe de Montréal, Islands. Les gens qui vont les avoir découverts plus récemment peut-être le sauront pas, parce qu'ils sont maintenant basés à New York et ils s'affichent probablement même comme un groupe de New York, mais non, c'est vraiment un groupe qui a été formé à Montréal. C'est un groupe qui est quand même très jeune, hein. Le groupe a été formé en 2005 seulement, et c'est déjà leur quatrième album qui va sortir le 14 février prochain. L'album qui va sortir s'appelle Asleep and a Forgetting. Et dans leur dernier album, il y a eu vraiment beaucoup de sons différents. Peut-être que vous vous rappelez, vous, du dernier album qui datait de 2009, qui s'appelait Vapors. Il y a eu, si je ne me trompe pas, des extraits sur le palmarès de l'album Vapors. Oui, oui, je me rappelle d'au moins, je crois, deux extraits. OK. Je vais poser lesquels. Cet album-là avait quand même un son assez différent. Moi, je les avais connus en 2006 avec leur premier album, Return to the Sea, qui était vraiment très, très, très différent de Vapors. Il y avait eu Arms Way entre les deux, un autre album entre les deux. Puis je trouve qu'avec Vapors, il avait vraiment changé beaucoup. Moi, personnellement, il m'avait perdu là, avec Vapors. J'avais tellement aimé Return to the Sea. J'avais été un peu déçu par Arms Way et Vapors m'avait complètement fait décrocher. Mais je pense qu'avec leur prochain album, Asleep and a Forgetting, ils vont retrouver les femmes comme moi qu'ils avaient peut-être un peu abandonné avec Vapors. Parce qu'il retourne à un son qu'on connaît plus des premiers albums. Et il y a deux pièces qui sont disponibles déjà. Si vous allez sur les pages, soit MySpace ou Facebook ou Bandcamp de Island, il y a déjà deux pièces qui sont disponibles qu'on peut entendre. Donc, des deux pièces que j'ai entendues, là, je pense que leur prochain album va être très bon. Je pense qu'ils vont me reconquérir avec cet album-là. Ah, c'est beau. Comme conquérir sa propre île déserte et planter son drapeau. C'est hein? J'essaie de faire une analogie avec une île. On se comprend là-dessus? Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout, déjà. Kiwan? Ben oui, c'est bref, hein, ces temps-ci. Ben oui. Quand même. Trop bref, je te dirais. Moi, j'aime ça quand ça dure un petit peu plus, le plaisir. Ça remplit du temps, ça. Oui, c'est ça, parce qu'on a tellement du temps, nous, à donner à n'importe qui de même. Non, on est bien fin. Et toi aussi. Merci, Kiwan. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, ouais, à 7h15. Hey, juste en finissant, température, ça ressemble à quoi? J'allais dire. Température, hier, j'ai fait un barbecue à l'extérieur. J'ai fait un petit peu de poêle, oui, vraiment. Faisait vraiment. On passe un autre appel. T'as mangé quoi sur le barbecue, toi? Du poisson. Ah, Yann? Une petite truite tapillotée sur le, sur le barbecue. C'est toi qui l'avais pêché? Ouais, c'est ça, ici. On est tellement proche des grandes étendues d'eau. Hein, c'est... Non, c'est pas moi qui l'ai pêché, vraiment pas. Donc, il faisait comme 15 degrés hier. Ah! Ouais, je peux vous écœurer trop, là, mais il faisait très chaud. Mais en tout cas, ici, ça a été quand même une belle fin de semaine. Il a fait chaud. Il a fait beau. C'était plaisant pour ça. Mais il faisait jamais 15. Il faisait peut-être 0, moins 1, mais... Mais tu sais, pour juste pour rétablir les choses, probablement que la semaine prochaine, il va faire moins 35. Je te le souhaite. Ben, merci. Bon. Donc, on va entendre les deux pièces que tu nous as mentionnées. On va commencer avec Islands et Hallways. Merci beaucoup, Kiwan. Eh oui, merci. Juste pour une petite information comme ça que j'avais oublié de vous dire sur Islands, si jamais ça vous intéresse, ils sont à Montréal le 27 février. C'est dans un mois, mais quand même, vous pouvez le noter. Ben oui, c'est bon. C'est dans l'agenda. Bye. Hey, salut les gars. Salut. Bonne semaine. Bonne semaine.

Ocean quoi? Breathe. Ça se peut-tu? Salty, je sais pas. Ocean What? Breathe Salty, What? Voilà. Oui, par Modest Mouse sur l'album Good News for Bad People Who Love Bad News. Oui. Ça ressemble à peu près à ça? Oui, ça ressemble à ça. Voilà. Modest Mouse, groupe que j'adore. D'ailleurs, c'est le meilleur album, je pense, là, de Modest Mouse. Facilement. Ah, hein? Oh, facilement. Je les connais pas tant que ça. Ah, mais... oh, mon Dieu, c'est hallucinant. Tu peux appeler Mathieu. Hein? Ah, non, j'aime mieux Seigneur. Seigneur! Ah, ça fait plaisir. Ouais. C'est la fin de la première heure. On se retrouve avec Xavier Antoire et sa collègue Tais-toi et Cuisine dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là! Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis, on se lundi 30 janvier 2012. Lui, c'est François Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oh que oui. Oh que oui, mon ami. Hey, hein, mon ami. Mon ami. Mon ami. Wow, ça a bien du sens. Ça a bien du sens. Ça a bien du sens. On se croirait dans une émission où les gens animent n'importe comment. Oh. Ouais. Comme oh, c'est nous là. Blah, fait que blablabla, blablabla, blablabla. Tu sais. On n'a pas fait ça. Non? Non. Ça ressemble pas à ça, non, non, non. Laisse parler. On écoute Metric, voici Twilight Galaxy. On attend Xavier. Viens donc. Ouais, Magic et Twilight Galaxy sur l'album Fantasies à Assemblage Rock. C'est très bon. Oui. Comme ça. Maintenant, François-Olivier Marchand. Ah, tu plantes. T'as soif. J'ai soif. Soif d'apprendre. Voici Tais-toi et cuisine. C'est François qui a chanté juste pour faire différent. Ouais, je voulais... Faut bien avoir un petit peu de différence de temps en temps. C'est ça. De... C'est pas une bonne chose nécessairement. Là, non, chanté. Moi, chanter. On aurait pu avoir pire. On aurait pu avoir pire. Moi, mettons. Je sais pas si t'as encore jamais entendu chanter. Ah, une chance. Non. Une chance que je t'ai pas entendu chanter, c'est ça? C'est ça, une chance. Okay. Bonjour les garçons, ça va bien? Oui, toi. Ça va, toi? Oui, ça va très bien. Belle semaine? Ouais, belle fin de semaine aussi. Très chargée dans mon cas. Puis. La semaine s'annonce quand même bien aussi. Ouais. Mmh. Parle-moi de ça. On a du plaisir, on a du plaisir. Oui. On a pas le choix. Plaisir. Oui, on commence avec du thé, donc ça commence bien la semaine, comme on dit. Oui, ça c'est vrai. Sauf que j'ai pas encore pris mon premier thé de la journée, donc je vais y aller tantôt. Ça s'en tu vas avoir moins d'entrain un peu ou. Plus d'entrain. Plus d'entrain. Il n'y a pas chanté. Qui? Toi? Non. Bon. Pas de thé, tu chantes pas. On a fait le lien, mais tu sais. On sait pas si. Non, il n'y a aucune raison. Non. C'est juste la fatigue de ma fin de semaine qui retarde. Bref, t'as de l'air de bonne humeur quand même. Ouais. J'ai toujours l'air de bonne humeur. Et tu nous as amené du thé ce matin. Oui, je vous ai ramené du thé. Je vous préparais votre thé du jour à vous en sortant de la chronique. Mais aujourd'hui, comme on m'avait demandé la semaine dernière, je vais vous parler d'alcool avec le thé. OK, on pensait que c'était la semaine prochaine. Ouais, on n'était pas sûr. Ah okay. Non. Okay. Aujourd'hui, Trompez-vous. Non, la semaine prochaine, je vous ramène quelque chose en dégustation aussi, directement. Okay. Vraiment, je vous avec de l'alcool? Si vous voulez. Je sais pas si ce serait correct en début de journée, là. OK. On verra ce qu'on fera. Je la tête de côté différent. Non, c'est pas une chose à faire. Voyons donc. Mais c'est ça, vous avez quand même un défi à me donner pour la semaine prochaine. OK. Mais aujourd'hui, pour vous parler de thé et alcool, je vous dirais que j'ai déjà fait beaucoup de tests chez moi. J'ai dit beaucoup de tests? Ouais, t'as dit beaucoup de tests. Voilà, j'ai déjà fait beaucoup de tests. J'ai fait beaucoup de tests. Non, je reste toujours sobre. Toujours. Tu craches? Non, je crache pas quand même. Je termine jamais un verre au complet quand je fais des tests. OK. Parce que ça me tente pas de fausser les mélanges et puis de plus me souvenir des doses. Ouais. D'accord. Je vous ai parlé la semaine dernière de sangria. Oui, c'est vrai. Vaguement. Vous en avez parlé. Donc, c'est ça. À la base, c'était une recette avec du goji pop, un mélange de hibiscus, morceaux de pomme, melon, miel. Et avec ça, on rajoutait du vin rouge et du triple sec. Mais dans tout ça, moi, je ne suis pas un grand amateur de vin rouge. Alors, j'ai décidé de remplacer le vin rouge par du vin blanc. Oh. Et j'ai fait deux tests. Un premier avec vert et fruité, qui est un rooibos vert, plein d'antioxydants, mélange de pommes, papaye, pêche et mangue. Je pense que je vous l'avais ramené sent bon. Quand j'avais fait ma chronique sur le rooibos. J'utilise pas mon nez à pleine capacité, mais c'est ce que j'ai senti, ça sentait très bon. Il est fin celui-là, hein? Très très fin. Oui, c'est un rooibos, justement, le rooibos qui a des morceaux de feuilles extrêmement fines. C'est pour ça qu'il faut un infuseur suffisamment fin pour le faire infuser, pour éviter de se rattraper avec morceaux de rooibos dans la gorge puis s'étouffer. Il n'y a rien de pire que ça, je pense, des petits morceaux de choses dans le fond d'une tasse. Oh oui, dans le fond, des fois, c'est normal d'avoir justement des petites poussières dans le fond, mais pas nécessairement des morceaux de feuilles. Ça va. Il y a une différence, là. Ça s'avale puis c'est correct, il n'y a pas de problème. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, une tasse avec environ 9 cuillères de vert et fruité à l'intérieur. On rajoute avec ça un tiers de tasse de triple sec et deux tiers de tasse de vin rouge. Après ça, cul sec? Avec full la glace, ça fait quand même deux tasses de choses. Calm down. Ouais, c'est ça. Donc, full de glace avec ça, avec un demi-citron et une orange entière, tranchée, bien sûr, parce qu'une orange entière dans un pot de sangria, ça sert pas à grand-chose. Ça va peut-être faire flotter une orange. C'est un genre. C'est ça. Mais justement, ça va donner la légère touche fruitée supplémentaire. Déjà que c'est déjà très fruité. Mais en plus, ça va permettre aussi d'apporter encore plus de vitamines à l'intérieur. Déjà que le rooibos contient beaucoup de fer, de magnésium à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le moyen d'avoir quelque chose de très santé avec la petite touche alcoolisée sympa. Dans des soirées, c'est très sympa. J'ai dit beaucoup de choses. C'est pas grave, on aime ça. C'est très sympa. Je l'ai dit 5 fois sympa. 5 fois sympa. C'est super sympa. Ok, je vais essayer de me retenir pour les prochaines minutes. Là. D'accord. En second test, dans le fond, que j'avais fait aussi. Mais là, on parle toujours de la sangria. Là, je vais encore parler d'un autre type de sangria que j'avais fait aussi. Celui-là. C'est beaucoup la cannelle, ça. Oui, c'est un mélange de canneberge, de cannelle avec du piment de Jamaïque à l'intérieur. Ça s'appelle Pinot de Jamaïque. Oui, okay. Ça s'appelle vin aux baies hivernales. Okay. Je pense que vous en avez parlé aussi, qui ressemble beaucoup à un cidre de canneberge, en fin de compte, que j'avais appelé communément avec un ami jus de tampon. Ah, c'est vieux. T'as pu nous épargner celle-là. Ouais. Voyons donc. Je crée des raccourcis cognitifs pour vous expliquer la couleur rouge intense de ce breuvage. Oui, d'accord. Il y a des petites billes dedans, on dirait des petits pois. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Ben, c'est le piment de Jamaïque à l'intérieur. C'est ça, le piment, d'accord. Et celui-là, justement, ça fait une sangria plus épicée. Et j'ai vraiment apprécié de faire celui-là. Je l'avais fait justement pour le mariage d'une amie. Où pendant qu'on se préparait, on buvait du mimosa et on buvait de la sangria au vin au baies hivernales. C'est vraiment génial, juste à éviter d'en verser dans votre voiture. Chose qui s'est passée dans la mienne. C'est assez bizarre à enlever par la suite. Ah ouais, ça ouais. Fait ça, toi. Oh oui. T'as vraiment choisi le bon à renverser. Non. Et mais ce qui est quand même très agréable, c'est que si maintenant vous avez un pichet directement avec un filtre à l'intérieur, vous pouvez vous permettre de laisser le thé totalement loose à l'intérieur et ça va même continuer à infuser avec l'alcool, etc. Donc ça donne un goût encore plus fort à la longue avec le avec l'alcool. Voilà. Sinon, j'ai aussi testé dernièrement ceci. Bah, ça c'est poire canneberge que je vous avais fait sentir dès que je suis arrivé. Ah oui, ah, oui, des mélanges de thé noir, de morceaux de pommes, de canneberge, des sauces. T'as vu la manger ça. Mais c'est des morceaux, on peut se permettre de les manger aussi. C'est, quand même, c'est juste des fruits desséchés à l'intérieur. Ouais, sécheux. Donc on peut se permettre de faire de quoi avec ça. Genre d'avoir comme 3, 4, 5 millions d'affaires là-dedans. Ça a l'air très coloré, c'est bon. Ben, c'est très coloré, mais c'est extrêmement simple. Mm-hmm. Dans le fond, à l'intérieur, on dit juste qu'il y a du thé noir avec des morceaux de canneberge et des morceaux de poire pomme. C'est juste ça. On s'entend qu'il y a des choses vraiment ça plus que bon. Ça au niveau mélange. Ouais. On aime ça. Mm-hmm. Puis avec celui-là, j'ai essayé d'ajouter une demi-once de whisky. Avec toujours dans la sangria. Là je sors de la sangria. Ok, parfait. Parce que faire que de la sangria à la longue, ça te passe. Ah, c'est ça. Il faut que tu boives aussi. Non, je bois jamais une sangria au coup. Bah ouais. Sauf si je suis tout seul, que je sais pas dans des tests. Et c'est ça. Donc demi-once de rhum avec ça. Dans le fond, dans ce cas-là, t'as une demi-tasse d'eau, oui. Tu fais infuser le thé quoi dans le rhum, là? Non, dans le fond, je pense. Est-ce que ça se ferait? On peut le faire aussi. Ok. Il y a moyen juste à prendre vraiment des quantités de rhum. Ça dépend aussi quel type de rhum, je te dirais. Mais si c'est un rhum trop fort, ce serait un petit peu inutile de laisser infuser comme trop longtemps. Mais par chez moi, il nous arrive aussi de faire dans du rhum, mettre directement des morceaux de cannelle, des épices à l'intérieur, citronnelle, blablabla. Justement pour aromatiser le rhum. Et ça prend un minimum de, si ma mémoire est bonne, 3 mois avant que le rhum soit un minimum opérationnel. Et justement, ce genre de choses-là, c'est vraiment génial si on veut faire flamber de la cuisine directement avec le caractère épicé. J'avoue, hein. Donc, poire canneberge, un demi-tasse d'eau avec 3 cuillères de poire canneberge, donc une quantité concentrée qu'on aura en fin de compte, demi-once de rhum. Et j'ai rajouté avec ça... c'est quoi que j'avais rajouté avec ça? Un petit peu de Baileys, ma mémoire est bonne. Ah, bien. Demi-once de Baileys, donc sensation crémeuse supplémentaire. Et ça donne un petit drink assez sympa aussi. Sinon, je peux vous proposer ici Litchi Jolie, qui est un thé noir avec des morceaux de pommes et des parfums de whisky. De whisky. Ça y est, je suis tombé sur le whisky. et des parfums de litchi, en fin de compte, puisque dans le fond, on n'a pas de morceaux de litchi à l'intérieur, c'est juste des parfums, puisque le thé noir a été placé au-dessus de bains de litchi, donc c'est juste des parfums de litchi. Il est extrêmement délicat. Peut-être moins un peu, je sais pas. Il est très délicat, celui-là. Ouais, c'est ça, j'imagine. Mais dans le fond, déjà, à l'odeur, il sent... Et ça, t'en mets combien? Comment? T'en mets quand même de tout. Celui-là, c'est une cuillère et demie pour une tasse normale. Mais okay. Je te dirais, dès que tu vas faire des drinks, juste à faire des quantités plus faut concentrées. T'en mettre plus. Exactement. Il m'attire moins lui aussi. Il t'attire moi moins. Aussi, celui-là. On dirait un petit peu moins. Oh, vous n'aimez pas tout ce qui est trop délicat, je pense. C'est ça, on est moins subtil, plus dans ta face. Haha. Hein? Mais oui, ben, je sais très bien que François aime pas ce qui est trop délicat. Il dit, oh, ça goûte pas le thé. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, avec Litchi Jolie, j'ai déjà ajouté une petite dose de Soho. Donc le fameux Soho Litchi qu'on pourrait avoir directement quand on va veiller le soir. Ici, on pourrait l'avoir aussi avec un thé, avec une dose santé supplémentaire. De thé, santé. Santé, oui, ok, ouais. Ça a pris un petit bout, là. Hein? Voilà. Mais c'est ça, ça permet d'apporter une petite dose un peu plus correcte avec les antioxydants qui se présentent, la petite dose d'énergie aussi. Sinon, il y a aussi Jungle en folie, dont je vous avais parlé aussi. Notre tisane super énergisante que j'ai piché. Et j'étais en train de sentir le micro et de le sentir dans la boîte. Bref. Ouais, les micros sont pas ça, très ouais, bons. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, ma tisane super énergisante à base de guayusa avec des morceaux de pêche et de papaye à l'intérieur. Ça, c'est vraiment de la pêche papaye en oui. intensif. Ah ouais, ça, j'aime ça. Donc, dans celui-là, dans Jungle en folie, on peut vraiment se permettre d'ajouter du rhum. Je l'ai déjà fait aussi avec du whisky. Je l'ai déjà transformé en sangria aussi. Je me suis déjà permis aussi de rajouter... non, c'était pas ça. Alors, du rhum, ça fait du soho aussi. Ça se fait très bien. Crème de menthe. Ok. Mm-hmm. Ça donne une touche fraîche, vraiment plus intense. Et justement, en fin de soirée, si on veut éviter de sentir fort l'alcool, un petit peu de crème de menthe, c'est un peu plus agréable, je te dis. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. C'est pour éviter de sentir le rhum, voilà. Au moins, tu vas sentir l'alcool, mais avec une bonne haleine. Je vous dis pas de tous les matins, après vous êtes brossé les dents, de prendre de gargarise-toi un peu. Non, ça me tente pas. Et je dirais que c'est pas mal ça. Puis vous, au niveau des filles, la semaine prochaine, vous avez quoi à me proposer? Des filles, écoute, je sais pas. Moi, live comme ça, je te dirais peut-être quelque chose pour combattre la grippe. Est-ce que ça se peut? Appelons le 911, je te ramène ça la semaine prochaine. Non, mais je sais pas, Mathieu, as-tu des idées? Non, c'est une bonne idée, j'aime ça. Okay, ou tu sais, mettons, des thés qui sont t'affiliés, mettons, à, je sais pas, un mal de tête, ça peut être... Ouais, ok, pour régler les problèmes de santé. Ouais. Ok, hein? Alors déjà... C'est un gros défi, là. Rien que comme ça, j'ai trois noms à vous proposer. Bon. Arme secrète, anti-rhume de gueule, rhume 911. Merveilleux. Trop tard, le défi est donné, je m'en occupe, je te ramène même des choses exclusives la semaine prochaine. Oh. Parfait. Et tu peux d'ailleurs parler aussi des maladies à long terme. Je sais que, bon, en fait, le thé a des propriétés. C'est vrai que, selon certaines études, là encore, c'est comme rien de scientifique, c'est pas des médicaments, mais il semblerait que le thé vert consommé comme régulièrement sur une... dans le fond, sur un laps de temps très long, permet de diminuer justement les doses de médicaments contre l'arthrite, le cœur, etc. Le thé noir, le puer, très bon contre... j'ai vraiment du mal contre le cholestérol. Ah, okay. Le houlang, justement, pour perdre un petit peu de poids. Le thé blanc, très très fort en antioxydants, donc vraiment qui va permettre de remonter un petit peu le système immunitaire. Mais à faire attention pour le thé vert, je l'avais dit la semaine dernière en vous parlant de Splash, si ma mémoire était bonne, qui est un thé vert avec de la laitue de mer. J'en avais pas parlé. Okay. Non. Ok. Alors Splash, qui est notre thé du mois de janvier. Avec de la laitue de mer à l'intérieur, un petit peu de gingembre, de la menthe. La laitue de mer est très très riche en protéines et en fer, mais le thé vert en même temps est déconseillé pour les personnes anémiques, puisque il semblerait que le thé vert bloque l'absorption de fer dans le sang et dans l'organisme. Okay. Donc là, on ne sait pas vraiment comment se comporter avec ça. Si justement c'est quelque chose pour permettre aux personnes anémiques de prendre un peu plus de thé vert parce que ça apporte beaucoup de thé vert ou quoi, on n'en sait rien. C'est des choses vraiment à consulter auprès de votre médecin. Voilà. Vous n'êtes pas des médecins non plus, c'est pas une pharmacie ça là. Non, on n'est pas une pharmacie. Oui, on a des pots avec des herbes à l'intérieur, mais on n'est pas une pharmacie. On est juste là pour donner une petite dose de bonheur aux gens, d'apporter du bien-être, du réconfort et d'apporter un petit plus dans le fond, dans leur quotidien qui va peut-être leur permettre de se sentir mieux, je dirais de manière immédiate, comme Rhume 911 qui est très très efficace. Je l'avais oublié sur le comptoir parce que j'étais avec des clients pendant 20 minutes. Je l'ai laissé infuser, j'ai enchaîné plusieurs clients. Puis après ça, j'ai pris deux gorgées. Une demi-heure plus tard, j'étais décongestionné. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment un effet quasi immédiat. Puis à prendre deux tasses par jour, ça te permet justement d'avoir tout le nez, la gorge assez libre. Et sur un plus long terme, je te dirais plus comme anti-rhume de Gaël. Arme secrète, je vous ramène ça la semaine prochaine, je vous l'ai fait sentir. Puis je vous proposerai aussi des associations assez sympas aussi. Ouais. C'est difficile d'associer un mets avec cet été-là, non? Non, avec Arme Secrète, ça se fait quand même très bien. Okay. Rhume 911, je dirais non. Anti-rhume de gueule, ça pourrait... Ouais, ça peut se faire. Défi. Ok, associer quelque chose contre le rhume, etc. avec pourquoi un plat. Des toasts. Demande des idées, on te donne des idées. Hein? Okay. Des toasts. Des toasts. Quand t'es malade, des fois t'as pas faim. Des biscuits soda. Ouais, des biscuits soda. Vous savez, quelque chose pour renforcer le système immunitaire sur les toasts, du miel avec de la cannelle. Ah ouais? Ouais. J'ai mangé des toasts au miel hier. Ouais, je te dirais, prépare-toi à l'avance comme des pots avec genre ça de miel à l'intérieur. Et ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, peut-être 3-4 pouces de miel dans le pot, genre. Avec une ou deux cuillères de cannelle en poudre. Mélange ça comme il faut pour avoir la cannelle de manière totalement homogène. Et régulièrement, prends-toi comme une cuillère de ça dans de l'eau chaude ou avec du lait chaud. Ou alors étale ça sur les tartines. Je l'ai essayé pendant, je te dirais, quelques mois. Et j'avais vraiment l'impression d'être comme plus en santé ou de quoi. Ah ouais? C'était assez étrange comme sensation parce que j'avais reçu un courriel de ma mère m'expliquant tous les bienfaits de la cannelle et du miel et que c'était utilisé depuis je ne sais combien de temps, autant en application pour la peau, etc., que dans l'organisme à ingérer. Et puis je l'ai essayé pour un petit bout de temps, puis c'était vraiment ça presque magique. Ouais. Je pense que François va passer chez David Stee cet après-midi chercher du rhume de faim. Oh, il n'y a pas de problème, je te prépare ça. Donc, passez voir Xavier au David Stee au centre des rivières. Oui! Merci, Xavier. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, lundi 8h. Oui. T'es avec, quoi à la cuisine? Avec, justement, je ramène tout ça, je vous présente tout ça, je vous décongestionne, puis je vous rehausse votre système immunitaire. Avec une petite association avec un plat. Oui. Pas de morve là-dedans. Non. Nous, on va aller entendre une pièce de Mauve, Madeleine, puis après ça, on parle avec Nicolas Ducharme. C'est pour sa chronique du charme et du sport. Oh oui. Oh. On est gâtés à matin. Du thé, du charme, du sport, la mort. Madeleine, tu me fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. Fais des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu me fais de la vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'invité à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants? Madeleine, elle veut que tu s'aimes en hiver. Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en enjolant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. C'est fou pour l'écouter. 89 1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de C'est fou, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Washed away. Make Reluctant Lovers de Library Voices à Ah, ben ouais. Il va falloir que tu le répètes ça tantôt, toi. Reluctant Readers. Bon. On parle avec Nicolas Ducharme. On parle de sport un peu. Hein? C'est du charme. Et du sport. Salut Nick. Hey, bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va bien vous? Ouais, ça va bien. Hey, grosse fin de semaine de sport. Ben, oui et non, François. OK. C'était une grosse fin de semaine de sport. Mais d'événements sportifs. Si on n'aime pas le sport. Si on n'aime pas le sport, OK. Il y avait deux matchs des étoiles en fin de semaine. Ouais, dont un qui m'a complètement déçu. Et ça... Si c'est pas deux qui t'ont complètement déçu, c'est l'autre, que t'as pas écouté. C'est le Pro Bowl, et je vais en reparler un petit peu plus tard du Pro Bowl. C'était le Pro Bowl et... Mais ça, tu nous avais averti la semaine dernière. Ouais, je l'avais dit. Le Pro Bowl, c'est le Pro Bowl. C'est plate. À la mort. Et tu dis justement plate, mais effectivement, le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, aussi, je l'ai trouvé terriblement plate. Ben, on va commencer tout de suite en parlant du match des étoiles. Le match des étoiles, peu importe le sport, mis à part au baseball. Baseball, j'adore le match des étoiles. Ouais, le concours de coup de circuit... Même pas juste le concours de circuit, le match en tant que tel, le talent que ces gars ont. Mais le baseball se prête bien à une rencontre. Comme ça, parce que... T'as pas de contact physique. T'as pas de contact physique, tu peux compétitionner. T'as le droit T'as le droit de pousser un peu à la machine sans que ça paraisse mal. C'est ça. Tu peux pousser la machine et en plus, il y a un enjeu au baseball. Ah, ouais. C'est-à-dire que l'équipe qui va remporter le match des étoiles va se retrouver à avoir l'avantage du terrain en série mondiale. Au hockey, bon, le hockey, c'est un sport de contact. Hier, je vais citer Jonathan Bernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jonathan Bernier, qui était chroniqueur sur mon émission, journaliste au Journal de Montréal. Okay, qui hier a tweeté, il dit « Jason Spezza a frappé deux poteaux de suite. » Donc, il dit « Les deux poteaux qui viennent frapper Jason Spezza m'ont réveillé sur la galerie de presse. » C'est le son, là. C'est ennuyant. Ah non! C'est très ennuyant, là. Écoute, c'est... Rapidité, zéro vue de bord. Ben, les gars se forcent pas, non, les gars sont pas intenses. Ils sont presque obligés de s'excuser quand ils bloquent un lancer. Mike Komisarek a eu une pénalité il y a 3 ans, puis c'est pas mal le jeu le plus robuste qu'il y a eu. Là. C'est pas un match. Si on veut vendre ce qu'est le hockey, c'est pas un match pour ça. Si je prends quelqu'un, j'ai mon cousin Chang qui arrive du Laos. Et qui me dit, je veux savoir c'est quoi le hockey. Le dernier match que je lui montre. C'est pas celui-là. C'est ça, c'est absolu. C'est le dernier match que je vais lui montrer. C'est pas ça du hockey. Par contre. Non, je veux-tu. Ben, ce que je trouve plate, c'est parce qu'eux autres nous amènent ça comme ça. La Ligue nous amène ça. Bon, OK, c'est un match, en fait, pour qu'on puisse être capable de vendre le hockey aux Américains, qui ont plus de misère. Je pense qu'on le présente plus comme une exhibition. Regardez, ça, c'est du hockey. Je pense que ce qu'on, la façon que la Ligue nationale vend plus ça, c'est regarder le talent que ces gars-là ont. Ah oh, non, non. Et hier, il y a eu des buts. Le talent est indéniable, mais c'est, en même temps, c'est les meilleurs de la Ligue. Puis juste être dans la Ligue, c'est déjà c'est un exploit ça. En soi. C'est ça, mais on vend pas ça. Je pense pas qu'on du côté de la Ligue nationale, on vend ça comme voici ce qu'est le hockey, parce que c'est pas ça du tout. Moi, je trouve ça plate parce que ça m'a enlevé le goût d'écouter le hockey. Non, mais non, pratiquement. Ça n'en prend pas gros, hein? Non, mais pratiquement, je trouvais ça. C'est rendu plate à ça. Non, mais c'est parce qu'on est habitué à tout le reste. FO, il voit un char avec un peu de rouille sur la route. Mais j'ai vraiment plus le goût de conduire. Là. Je vais aller vélo. Je vais acheter des rollerblades. Non. Arrêtez. Non, mais c'est parce qu'on est habitué depuis le début de la saison à voir du hockey que les gars, ils se donnent. Ouais. Les gars, ils bloquent du les portes. Du hockey. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, t'arrives avec ça. Je sais pas, j'ai pas trouvé l'utilité. J'pense... Et d'autant plus que, écoute, je comprends très bien la situation des gars dans le sens où y a personne qui veut jouer. Non, c'est ça. Les gars, ça leur tente pas. Les gars, ils sont pas payés, je pense. C'est pas vrai que ça leur tente pas. Il y en a plusieurs. Ils se donnent pas. Carey Price, hier, là, a dû triper à être là parce qu'il a fait signer son chandail. Il était rendu dans l'autre vestiaire pour faire signer son chandail à tout le monde. C'est pas vrai que les gars trippent pas. Les gars aiment aller là. C'est pas tout le monde. Non, c'est sûr. J'ai eu sur ce sûr que si Martin Brodeur aurait été élu cette année, Martin aurait refusé l'invitation. Parce que justement, il disait je le mérite pas, puis à son âge, a besoin d'un peu plus de. Oui, puis il a déjà été, il a déjà été, c'est correct, mais un Geoffrey Lopal qui était invité pour la première fois au match des Étoiles, il doit se tripper, là. Tu te retrouves avec des gars. Tu joues, mettons quelques recrues qui sont là des joueurs plus jeunes, là. Tu joues avec des gars qui t'idolâtraient quand t'étais plus jeune. Là. Non, c'est tu sais, sûr quand t'avais 13 ans, là, tu disais... Ah, c'est sûr que tu voyais ces gars-là jouer. Non, je comprends dans ce sens-là, mais... Mais je pense que FO, ce qui est important à travers tout ça, c'est faut pas voir seulement le match, faut voir le whole package. Ouais, c'est ça, l'ensemble de la fin de semaine. Comme dit, l'ensemble de la fin de semaine. Ça a commencé jeudi dernier. Avec le repêchage. Avec le repêchage. Une nouvelle idée qui a été introduite l'an dernier. On l'a peaufiné un petit peu cette année. Je crois t'aimes que c'est encore une belle réussite, oui. Ouais j'aime ça. J'aime ça. On voit la complicité entre les joueurs. Bon, puis il y a une manière. L'an dernier, c'était très drôle. Phil Kessel qui avait été le dernier choisi. Puis les gars étaient tous sur le stage. Ils le regardaient. Les gars avec leur téléphone. Ovechkin avec son téléphone en train de faire des photos. Puis je trouvais ça encore plus intéressant parce que maintenant, avec Twitter, les gars tweetaient pendant le repêchage. Donc, tu voyais les réflexions. Tu veux vendre ton sport. Tu veux vendre la game. Pas la game, mais tu veux vendre ce qui est alentour. Si tu veux que les gens créent un sentiment d'appartenance avec certains gars, Twitter et le repêchage, ça peut être parfait. Mais encore là, faut que tu sois abonné. Ouais, c'est ça. Mais là, à partir de là, faut que tu fasses ça qui était fort. Non, c'est sûr. Bon, parlons-en du match des étoiles. Victoire hier, le 12-9 de l'équipe Chara sur l'équipe Alfredson. Marianne Gaboric qui est reparti avec une voiture. C'est lui qui était... Ça, c'était le joueur du match. Le joueur du match, exactement. Trois buts, une passe pour Marianne. Donc, c'est quoi la voiture? C'est ça, je ne sais pas. Non? Malheureusement, là, je ne l'ai pas écouté, le match des étoiles. J'étais sur le travail hier. Là, parce que j'avais une question pour toi aussi. Au début de la partie, là, j'aurais aimé ça savoir qui chantait là. Ça vaut aucun rapport. Drake, que j'ai entendu dire. Le rappeur de Degrassi. Le rappeur de Degrassi, exactement. OK, je ne trouvais pas le rapport. Lui, je ne le connaissais pas en même temps. On m'a dit qu'il y avait eu un autre rappeur. Écoute, je sais pas, comme je dis, j'étais sur le travail hier, je couvrais le match du Caron Hagué, mais on m'a dit Drake. OK, ouais, ça se peut. Donc, c'est pas mal ça pour le match. Je pense qu'il y a rien, comme on dit, il y a rien à écrire à sa mère. Par contre, le samedi soir, le concours d'habilité, ça, c'est mon moment préféré. Hey, les gars, le talent, mais... Puis les gars ont eu du fun. Moi aussi, j'ai un peu plus trippé là-dessus. Quand je me rappelle plus exactement c'est qui sort son petit bâton. Corey Perry. Sort son petit bâton. Parlons-en là, des feintes. Oh. Le concours des feintes qui a été probablement, mis à part le tir le plus puissant, ça je vais y revenir. Le concours de feintes, Patrick Kane qui prenne la ligne bleue, se fait mettre une cape, se mettre des lunettes de Clark Kent. Très beau but, hein? Hey! Part, il glisse, tasse la rondelle contre. J'ai aimé le fait que les gardiens de but ont embarqué dans le jeu. Les années précédentes, les gardiens essayaient de faire l'arrêt. Cette année, ils se sont fait dire, fais le niaiseux. Ça compte pas dans tes stats. Ça compte pas. Carey Price qui se met de dos, qui regarde dans le vide, fait l'arrêt sur Sean Couturier, qui se met la mitaine devant le but, mais devant le masque avec le bâton à l'envers, puis fait encore l'arrêt. J'ai trouvé que les gars ont bien embarqué. Comme tu disais, les deux feintes que j'ai le plus remarqué, trois feintes à vrai dire. Stamkos aussi. Kane une fois avec la cape. Corey Perry, comme tu disais, avec le petit bâton, mais aussi Corey Perry, à un moment donné, qui a mis la rondelle sur son. Sur sa palette, puis il s'est mis à s'en aller comme si de rien n'était. Il avait l'air de jouer à la crosse. Puis Pac, comme au baseball, il l'a eu. Ben, tombé par terre, puis après ça, il l'a repris, il a compté avec ça. Les gars sont forts. Les gars, c'est du talent. C'est remarquable. Pis, talent brut. Puis il faut toujours que tu gardes aussi en conscience que le gardien, c'est un gardien de la ligue. Tu sais, c'est pas toi pis moi. C'est pas un bantam. Ben, c'est ça, tu sais. Mais les gars niaisaient. Et ce qui était intéressant, puis si vous voulez le voir, je l'ai trouvé sur YouTube, lors de cette épreuve-là, Carey Price avait un micro dans son masque. Parlait avec la CBC. OK. Comme Claude Julien, et puis. Hier pendant le match. Je sais pas, écoute, comme je te dis, je n'ai pas écouté le match, je peux pas te dire. Là. Mais Carey Price avec le micro, super intéressant, très drôle. Carey Price qui disait je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Regardez ça sur YouTube, là, c'est peut-être un autre Carey Price qu'on est moins. Plus détendu. Beaucoup plus détendu, exactement. Puis c'est ce qui faisait la différence. Puis gars, c'est ça que je disais, vendre ta game, vendre ton jeu, ton sport, c'est ça. Concours de vérité, à part de ça, j'en ai parlé, le tir le plus puissant, Zdeno Chara. À quoi, 108,8 000. T'en sors de là, Aïe, aïe. Ouais. Je sais pas quel cri, là, mais ça fait à peu près 170 km/h environ. T'en sors de là. Puis, à la défense, chez Weber, parce que le record était de 105,9, si je me trompe pas, l'année dernière, 105,9. Chez Weber fait 106. Donc, chez Weber avait battu le record de Chara. Malheureusement, Chara est arrivé et il a défait la rondelle. Hey, mais c'était qui? Justement, vois-tu, je pense que c'est cette semaine, je pensais à ça. Et je me demandais, c'était qui, là, l'espèce de dans le thème? Moi, je te vois venir, là, la chevelure, la coupe Longueuil avec un top. Tu parles de Al Yafrati. Ah, c'est ça. Ouais, lui, il était puissant. Al Yafrati qui avait fait le record de tous les temps à l'époque au Forum de Montréal en 93. Un tir de 104,3 000 à l'heure, si je ne me trompe pas. Dans le temps, c'était pas les bâtons qu'on a. Exactement. C'est là-dessus que je m'en vais. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait le tir dans la Yafrati aujourd'hui avec un bâton composite à 300 $ et non pas un bon vieux Sherwood PMP 59,50. Ça aurait été intéressant, mais bon. Donc, c'est pas mal ça pour le concours d'habilité de la Ligue nationale. Là, on s'étirera pas trop. Et le match du on s'étirera pas trop. On s'est étiré pas mal. Ouais. Mais donc, c'est ça. On va passer maintenant à Hockey Junior. Et Cataract était en action. Un seul match cette fin de semaine. C'était vendredi au Centre Bionesse. On recevait les Remparts de Patrick Roy. On s'attendait à un excellent duel. C'était plein à rebord. D'ailleurs, j'ai été incapable de me trouver du parking. Ah non? Ah, c'était l'enfer. Tu n'as pas été? Ah, j'ai été. Marqué dans le c'est quatre places. Je couvrais le match, là, en plus. Là. Je me suis. C'est le fun, ça pourrait être comme Shawinigan, là. Ah, c'est génial. Ouais, ça fait du bien. C'est génial. Puis là, c'est la grosse rivalité. C'est Patrick qui s'amène. Ouais. Et les Remparts l'ont emporté 4-3 en fusillade. Il faut que je rende hommage aux Remparts qui, sur papier, bon, la grosse machine des cataractes, là. Ouais, c'est ça, on avait un petit peu plus de difficultés dernièrement chez les Remparts. Mais on l'a emporté, on a travaillé fort, mais Shawinigan, vraiment, là, c'est toute une machine de hockey. Bournival, Morgan Ellis et Taylor Carnevale, le nouveau venu de 20 ans qui arrive directement de Sarnia en Ontario, qui ont marqué les buts pour les locaux. De l'autre côté, Logan Shaw, Malouin et Anthony Gingras, là. Vous voulez savoir à quel point les Remparts... Là, présentement, les Remparts, là, c'est une équipe extrêmement jeune. J'en discutais avec Patrick Roy après le match, puis j'ai demandé, bon, parce que ça s'est réglé en fusillade... C'est le name dropper, j'en parlais avec Patrick Roy. Non, mais j'en discutais avec Patrick Roy. Tu me demandes s'il est fin. Ouais. Ça dépend du résultat. Ça dépend, ouais, s'il gagne ou pas. Mais Patrick, c'est Patrick, tu sais, il est habitué. Il a déjà un peu sa mentalité de Ligue nationale. Tu sais, c'est gros quand même. Mais des fois, il est capable de. Quand il se met à discuter, c'est bien. Puis il sort tient pas, hein, Patrick. D'ailleurs, je vous en reparle un petit peu pour tantôt. Je vais vous en parler un petit peu. Okay. Mais à quel point c'est une équipe qui est forte? Ça, j'ai discuté avec Patrick. Puis le but en fusillade, on était tous sûrs que ça avait touché les deux poteaux. Puis c'était pas entré. Ils sont allés en haut. Et c'était bel et bien un but. Ça avait touché le poteau à l'intérieur avant de toucher le poteau extérieur et de sortir du filet. Donc, c'était un filet. J'ai demandé à Patrick, t'étais-tu nerveux? Il dit, nous, présentement, là, personne ne nous voyait là cette année. Là. Les Remparts là, sont quatrième, je crois, au classement là, ce matin dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Personne ne nous attendait là. Donc, un point, ramasser un point de plus. Il dit, c'est juste du bonus pour nous. Mais ils vont être forts. Anthony Ginga, qui a marqué son premier but de la saison, jouait midget 3 cette année. Rappelé par les Remparts. Et Patrick lui donnait du temps de jeu. Ça va être. De ce que j'ai vu du jeune, waouh, ça va être tout à fait. C'est quoi, l'année prochaine, dans deux ans? On parle d'une puissance? L'an prochain. Ah, tout ce qui va manquer, probablement, c'est Mikhail Grigorenko qui sera plus là. Connaissant Patrick, il est capable d'aller s'acheter un excellent joueur européen. Je suis pas trop inquiet là-dessus. Ça va être une puissance de la ligue. Ça se pourrait que. C'est possible que ce soit une dynastie. Ah ouais, ils vont être très, très bons. Donc, avec cette défaite, là, les Cataractes qui tombent au deuxième rang de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec avec 73 points. Les Sea Dogs de St. John, 74 points. Par contre, un match en main. Blainville-Boisbriand, troisième. Les Remparts, quatrième. Victoriaville, cinquième. Suivi par Chicoutimi. Et, bon dernier, les Rockets de PEI. Pas très, très bons, les Rockets. Je vous parlais de Patrick Roy, que, bon, pas peur de discuter, de parler. Cette fin de semaine, vendredi, Patrick s'est encore fait... s'est encore délié la langue en parlant du commissaire de la Ligue, Gilles Courteau. Tu fasses attention à ce que tu dis. Ouais, ben c'est ça. Gilles Courteau a exigé que les Remparts envoient Mikhail Grigorenko au match des étoiles de la... Ben, ce qu'on appelle le top prospect game, le match des espoirs, et voilà. C'est-à-dire que tous les joueurs, les meilleurs joueurs au Canada qui sont pas repêchés s'affrontent. Puis là, souvent, il y a des... Ils sont pas repêchés, c'est pas là que ça se passe. Là. Ben, c'est-à-dire, c'est comme un peu un showcase. Là. C'est sûr, pour les montrer. Faire voir pour le repêcheur, okay, parfait. Les voir tous un contre l'autre. Puis Grigorenko s'est blessé au championnat du monde avec l'équipe de la Russie. Puis, il est de retour, a joué quelques matchs, mais je peux vous dire ce que j'ai vu de Grigorenko est clairement pas à 100%. Et Gilles Courteau a exigé que Grigorenko se pointe là-bas. Et Patrick Roy était dire que Gilles Courteau, il pense juste à son image. Il pense juste à lui, il pense pas à la santé des jeunes parce que Courteau veut devenir le prochain commissaire de la Ligue canadienne de hockey. L'amende n'est pas encore sortie. Oh, il va avoir une amende? Ah, oh, c'est clair. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais. T'as pas le droit de bâcher sur lui. Ben là, ça va faire, là. Si t'as pas le droit de planter un arbitre après un mauvais match, c'est clair que tu peux pas faire ça. Donc, ça devrait sortir très bientôt. Ah ouais. Je m'attends à une amende salée pour Patrick. Ben, salée combien? 2-3 000? Peut-être plus. C'est quand même grave ce qu'on a dit quand tu t'attaques au président de la Ligue nationale. C'est sûr. Je change rapidement. Je vois le temps qui avance. Parlons du Coron Guide de Trois-Rivières qui l'a emporté hier 3-2 contre les Marquis du Saguenay. À l'origine, on devait disputer deux matchs, un vendredi, un aujourd'hui, hier plutôt, entre le Coron Guide et le Marquis du Saguenay. Deux équipes qui se haient. Ouais, c'est ce que tu dis. Énormément. Malheureusement, avec la neige de vendredi, le match a été remis du côté de Saguenay. Donc, on s'est affronté semaine fois. On s'attendait à ce que ça barbe. Comme on a eu un seul match au lieu de deux matchs, j'ai l'impression qu'on a gardé les forces pour samedi prochain. Les deux équipes vont encore se affronter. Donc, ça risque d'être beaucoup de brasses camarades. Sinon, ça te brasse un peu. Non, c'était quand même calme pour une rencontre. Mais il y avait moins de joueurs. Il y avait des gros joueurs du côté de Saguenay qui n'étaient pas habillés. Donc, on s'y attendait un peu. C'est Marc Bocage à son premier match depuis son retour de blessure, de sa blessure plutôt, qui a marqué le but de la victoire pour le Caron Gay. Peter James Corsi aussi qui a disputé un excellent match. 2 points pour PJ. On s'en vient chez les Patriotes ici à l'UQTR. Le hockey, bon, le dernier match datait contre Concordia mercredi dernier. Je n'en parle pas. Allez voir sur le site de la Ligue si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Mais soccer, par contre, les hommes et les femmes étaient en action cette fin de semaine. Victoire chez les hommes plutôt de 2-0 sur l'UQAM. Donc, grosse victoire pour les hommes qui ont maintenant une fiche de 1-1 cette saison après avoir perdu contre l'Université de Sherbrooke. On est 5e présentement du côté du QTR. Par contre, on a un match en main sur les équipes qui nous devancent. Donc, il n'y a rien d'impossible. C'est encore tôt dans la saison, mais on sait que c'est des saisons extrêmement courtes au soccer intérieur. Donc, tu peux pas avoir trop de relâchement comme on a eu contre Sherbrooke au début de la saison. Chez les femmes, la saison parfaite des femmes se continue. Deuxième victoire en autant de matchs, cette fois-ci, contre les Citadines de l'UQAM, bien sûr. C'est tout le temps des matchs hommes et femmes contre hommes et femmes de l'autre côté. dans la même fin de semaine. On économise sur les coûts de transport. Donc, on est au deuxième rang là, du côté des filles avec 6 points. C'est une possibilité de 6, bien évidemment. En première position, c'est les Redmen de McGill. Plutôt les Martlets de McGill. Désolé, c'est l'équipe féminine qui est première au classement avec 2 victoires et 1 nul. Donc, selon le, et on a un match en main. Donc, selon le prochain match, on pourrait se hisser au premier rang là, pour la formation féminine de Ghislaine Tapsoba. Va très bien. Très bien pour les filles. C'est bon à voir. Le premier match, là, ça avait été une victoire de 2-1 contre Sherbrooke et Volleyball. Les filles de volleyball disputaient 3 matchs cette fin de semaine du côté de Gatineau. On en a emporté 2, c'est-à-dire qu'on l'a gagné contre Lucquois 3-0 et contre Lucac 3-0. Par contre, match décevant contre Lucam, défaite de 3-0. C'est avec Lucam à être bon cette année. Ouais. Ils le sont, elles le sont, effectivement. Donc, une défaite de 3-0 pour l'UQTR contre Lucam. L'UQTR avec son premier au classement présentement avec 14 points. Par contre, Lucam a 3 matchs en main. C'est-à-dire qu'il y a une fin de semaine où il y a une équipe qui ne joue pas chaque fin de semaine. Chaque tournoi, parce que c'est un peu des tournois. Ça, on y va avec 4 équipes. Sinon, 5 équipes, ça serait trop difficile. Donc, attendez-vous à voir Lucam se hisser en haut. Au premier rang. Du classement. Allons-y. Pro Bowl. Le gros événement. Ouais, le Pro Bowl, tu veux savoir le Pro Bowl? Hey, j'ai même pas rien fait pour le Pro Bowl. Mais c'est parce que je sais pas, je l'ai pas écouté. Ça se déroulait tout de suite après le match des étoiles. Pourquoi? C'est ce que je me suis dit. C'est pas nécessaire d'écouter le Pro Bowl. Si vous trouvez le match des étoiles au hockey plate, au Pro Bowl, c'est ennuyant. Les gars se frappent pas. Non, c'est ça. Ça laisse passer les gars, ça rit, ça a du plaisir, c'est inutile. Là. Mais y avait-tu quand même un concours d'habileté? Non, je pense pas. Il y a déjà eu ce qu'il appelait le NFL Quarterback Club. Ouais, ça c'était cool. À une certaine époque, je me sens impressionné. Les gars avec des chemises hawaïennes se réunissaient à Hawaï. Bon, des chapeaux de cowboy. Ouais, c'est ça. Là. Puis ils faisaient des activités. Mais je trouvais ça amusant. Ça. Ben, le Pro Bowl, le Quarterback Club. Le Quarterback Club. Ouais, c'était bien, mais gars. Fait que c'est ça, c'était le Pro Bowl hier, j'ai rien d'autre à dire à part une victoire de l'Américaine 59-41 face à la Nationale. C'est Brennan Marshall qui a remporté la voiture, il va la donner à sa maman qui nous a confié après le match. Parlons de ce qui est vraiment intéressant, le Super Bowl. Dimanche prochain. Qu'est-ce que tu fais pour l'événement? Ben, c'est pas compliqué. Année après année, moi et mon ami... Guillaume Brolieu, qui a déjà été chroniqueur à l'époque sur Inconduite de partie. On se réunit, on se fait de la bouffe, on boit de la bière, on écoute le football. On écoute ça à TV. Chez vous? On ne sait pas encore. Ouais. Les plans sont pas faits. Okay. Il fut une époque, c'était chez sa mère. OK. À l'époque où on recule, là, bien évidemment, là, qui nous accueillait avec beaucoup trop de nourriture, bien évidemment. Ah, c'est le fun, ça. Ah, c'est le fun. C'est une belle occasion, justement, de manger un peu de la scrap et puis d'écouter une bonne partie. Ils disent qu'aux États-Unis, le lundi suivant le Super Bowl, c'est le lundi où il y a le plus d'absentéisme au travail. Oh, ouais. Ça call off. Ça call off parce que ça boit et ça mange trop. Ah, oui. Donc, le Pepto-Bismol, ça peut pas toujours tout régler, là. À un moment donné, il y a une limite à ce que ça peut faire. Est-ce que tu fais une recette spéciale cette année? Ben, je sais pas ce que... L'année passée, t'avais fait quoi? J'avais conseillé de quoi en ondes, j'avais conseillé de quoi avec une émission à Danny Janvier. Oui. Qui était... Ah, c'est du bacon, mais c'est un... C'est du bacon... Explosion, quelque chose. Dans le bacon explosion, quelque chose comme ça. Regardons si tu peux le trouver. Oui, mais je l'ai trouvé l'autre fois, je vais le retrouver. OK. Qui est dans le... Qui est dans la trame des Epic Meal Time. Ouais, c'est... Ce qu'on peut trouver, là. C'est sur le site de barbecueaddict.com. OK, tu l'as trouvé? Oui, je le poste sur le Facebook. Ah, envoie ça sur le Facebook d'Assemblage Rocky. Ouais. Vraiment là, mais je l'avais pas fait là en passant là, j'avais juste souligné. Et oubliez pas tout le monde, c'est très important. Tu l'avais pas fait. C'est très important d'assaisonner. Le chef Louis va vous le répéter. Alors parlons du football là, parce que ça avance rapidement là. Ouais, ça va vite. Patriots contre Giants, probablement le duel le plus. J'étais capable de me faire une idée. Pourtant sur papier lorsqu'on regarde ça, les Patriots sont 13-3 cette saison. Les Giants sont 9-7. Donc on se dit ben les Patriots devraient l'emporter facilement. Par contre faut faire un petit peu attention avec la fiche des Patriots avant la finale de la Ligue américaine, l'AFC là, qu'on appelle l'américaine. Ouais c'est ça. La conférence américaine de la NFL. Les Patriots n'avaient pas réussi à battre une équipe qui avait une fiche en haut de 500. Donc, les victoires des Patriots cette année était plutôt contre des équipes plutôt faibles. Plus, ouais. On l'a emporté l'an passé, la semaine passée contre les Ravens de Baltimore 23-20. C'était serré. C'est très serré. Donc, c'est pas l'équipe qu'on s'attend et qu'on connaît des Patriots. Cette année, les Patriots, là, en défensive contre la passe, les Patriots sont derniers. 31e plutôt, avant-dernier dans la Ligue. Donc, on accorde beaucoup de verges par la passe. Et même à l'opposé, bon ben c'est par la passe qu'on fait nos forces du côté des Patriots. Rob Gronkowski et Wes Welker et même... On a tout un corps de receveurs du côté des Patriots. On est deuxième dans la Ligue à ce niveau. Donc, c'est une équipe qui est très bonne à l'attaque, pas mal moins bonne en défensive. Du côté des Giants, ben c'est le même problème. Même problème par la passe à l'attaque. On est cinquième dans la NFL. On est très, très bon. Mais par la passe en défensive, on est 29e dans la Ligue. Donc, ces deux équipes, sur papier, se ressemblent énormément. On va avoir là, du côté des et ce que les Patriots font bien à l'attaque, les Giants, c'est une équipe qui du côté des Patriots qu'on va avoir de la misère à faire ça. OK. Je m'attends à un duel très très très serré. C'est une reprise du Super Bowl le X-Large 2 exactement. Super Bowl 42 en 2008, je vous l'avais expliqué là, que du côté des Patriots, on va sûrement vouloir prendre notre revanche de la défaite qu'on avait subie face aux Giants à l'époque. Les Patriots qui avaient une fiche parfaite, immaculée et qui s'était inclinée là, après 18-0, qui s'était inclinée au Super Bowl. Ben, ta prédiction comme ça, là, avec ton œil ben, de lynx. C'est ça, là. J'y vais lentement, mais sûrement vers ça. Juste avant, là, je veux dire, du côté des Giants, moi, je pense que ça va vraiment être qu'est-ce qu'Eli Manning. Tom Brady est capable de faire des miracles. Quand c'est le temps de sortir, il sort. C'est un magicien. Vraiment. Eli Manning, c'est un bon corps, mais c'est pas un corps que je place parmi les 5 meilleurs de la ligue. Certaines personnes vont le faire. Bon, ils frôlent le top 5 de la ligue. Mais le stress, peut-être. Comment? Le stress? Non, ben, des fois il est hot, des fois il est pas hot. C'est pas comme Tony Romo qui choke à toutes les fois où est-ce qu'il y a un match important. Eli est capable du meilleur et capable du moyen. Rarement du pire. Mais capable du moyen. Donc, ça va dépendre qu'est-ce qui va sortir chez les Giants. Faut regarder ça, là. Donc, je regarde un peu, je me suis fait un tableau. Savoir les forces offensives, les forces qui est le meilleur. En offensive, par la passe, j'ai pas le choix de donner ça aux Patriots. Tout simplement pour ce que je vous ai dit, Tom Brady, t'es un petit peu plus fort. Par contre, là, le problème, c'est que Rob Gronkowski, qui est son allié rapproché, son, comme on appelle en termes anglophones, le tight end. Okay? Lui, c'est celui qui court avec. C'est un receveur, bloqueur sur la ligne. Il est gros, il est fort. Mais cette année, c'est un monstre, Rob Gronkowski. Et cette année, là, les Patriots, ce sont, Tom Brady s'est gâté avec ça, là. Vraiment gâté avec Rob. Ont été chercher. Il y a personne qui a le goût d'aller le rencontrer. Ben, c'est parce que c'est très difficile. De le contourner. C'est très difficile de contourner. Pas de contourner, mais d'aller chercher Rob Gronkowski. Il est gros, il est grand. Si je me trompe pas, il est 6 pieds 7. Donc, ce qui fait que. Ça ressemble à Mathieu Plante, ça. Ouais, exactement. Ben, oui, mais c'est un casse, là. 6 pieds 6, 265 livres. Mais il est capable de sauter. Donc, 6 pieds 6 plus tes bras. Ah, c'est Tom Brady, il a juste à la lancer un petit peu haute, puis c'est pas trop problématique. Gronkowski, seulement 22 ans, il va être un joueur à surveiller. Mais là, il est blessé. Il n'a pas encore pratiqué avec l'équipe. Il jouera pas. Attends une minute, là, il reste encore bien du temps. Là, ils ont le temps. On est juste lundi, là, ils ont une semaine. Si Gronkowski n'est pas là, ça regarde un peu mal pour les Patriots. Mais à la base, moi, j'ai fait mon tableau en me disant qu'il allait être là. Donc, je donne l'avantage aux Patriots par la passe. Par la course, c'est deux équipes qui se ressemblent énormément. J'y étais pour une nulle. En défensive, je donne l'avantage aux Giants. Donc, on est 1-1. Les unités spéciales du côté des Patriots, on a un excellent botteur qui devrait probablement, qui peut être la clé du match. En Stephen Gostkowski, ça s'écrit pas tout à fait comme Gronkowski, mais ça se ressemble énormément. Donc, du côté de Gostkowski, cette année, notre pourcentage d'efficacité est 84,8. Donc, sur 33 tentatives, on a manqué seulement 5. Donc, très, très bon. J'ai donné l'avantage sur les unités spéciales aux Patriots. Mais encore là, c'est pas par beaucoup. Hein. Entraîneur, je crois que Bill Belichick est un meilleur entraîneur que Tom Coughlin. capable de faire de la magie, capable de s'adapter à plusieurs situations. Je donne ça encore aux Patriots. Les impondérables, je le donne aux Giants. Tout simplement parce qu'on a vu ce qu'on a fait au Super Bowl 42. On était les, ce qu'on appelle les underdogs, les sous-estimés. Ouais, puis on les avait remontés. Je la donne aux Giants. Donc, si je fais mon tableau, si je regarde ça, ça va être en bout de ligne, c'est les Patriots. Mais. Avec de fortes chances. Hey, fiez-vous pas sur moi parce que je suis un maniaque des Patriots. C'est mon équipe, les Pats. Ouais. Donc, je suis un petit peu biaisé. Ouais. Faites attention. Fiez-vous pas sur moi pour vos paris. Fouillez un petit peu plus. Mais bon, ça va être très bon. C'est en direct d'Indianapolis. Donc, c'est bien. Eli peut coucher chez son frère Peyton, n'a pas à payer de chambre d'hôtel. Fait content d'ailleurs. Je suis sûr qu'il n'y a pas les moyens non plus. Oh non, pas de trop. Non, aucunement. Il a failli quitter un peu plus puis il dormait dans sa Ferrari. C'est problématique dans ce temps-là. Donc, c'est ça. Du côté du Super Bowl, ça va être à surveiller. C'est à 18h. C'est à Indianapolis, comme je vous disais, au Lucas Oil Stadium. Attendez-vous à beaucoup de choses. Et comme d'habitude, à l'entour de ça. Le pré-match commence à 18h le jour d'avant, je pense. À peu près. Très bon point, Mathieu. Ouais. Ceux qui ont les ESPN classiques, j'ai l'impression qu'on va avoir droit à quelques Super Bowl durant la semaine. Mais là, et c'est ça. Et pour ceux qui n'aiment pas le football, parce que ça en est un événement aussi, les publicités. Les pubs, ouais, c'est ça. Maintenant, là, avec les YouTube, là, c'est ça? Ben, pas YouTube, mais avec certaines technologies, il y a moyen de visionner le match sur Internet. Ah. Et ainsi de. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. Nous autres, c'est. On écoute le match en HD. Ouais. Pendant le déroulement c'est du ça. Match. Pendant les pauses, je change de. Comment dire, d'extension, d'une entrée HDMI à une autre, ouais. Et on tombe sur les publicités sur l'ordinateur. C'est donc, magique. On a les deux. Parce qu'au Canada, on masque les diffusions américaines par une diffusion canadienne sur toutes les chaînes. Exactement. Donc, on se retrouve avec des annonces de Canadian Tire et Tim Horton au lieu des publicités. Cette année, les publicités, messieurs, 3,5 millions de dollars. Pour le 30 secondes. Le 30 secondes. Donc, 3,5 une fois 30 secondes. 30 secondes. Sont malades mentales. Donc, soit tu tapes solide, mais perds pas ton cash. Il va en avoir des excellentes. C'est ça passe ou ça casse pour beaucoup de produits. Ouais. Si tu te plantes sur ta pub du Super Bowl, ça va te coûter cher, ça se peut que ça tue ton produit. Et voilà, messieurs. Fantastique. Donc, la semaine prochaine, écoute, on parle du Super Bowl. On va parler du Super Bowl si je pars à l'hôpital avec une intoxication alimentaire. Parfait. On va parler des pubs aussi. On va essayer de les envoyer sur YouTube. Trouver quelques petites choses. Ah, YouTube, il y a toujours ça pour vrai. La compilation. Ça va super bien. C'est pas l'avantage pour aucune compagnie de s'opposer à ce que sa publicité se retrouve sur Internet. Au contraire. D'ailleurs, moi, je me souviens, celle qui m'avait marqué beaucoup l'an passé, celle de Volkswagen. Darth Vader, oui. Darth Vader avec la Jetta, le petit gars qui essayait de la faire démarrer. C'est celle qui m'a le plus séduit. Il y en a une nouvelle de Volkswagen cette année pour le Super Bowl. C'est sûr. Mais ce sera pas avec et même, on a des règlements du côté des diffuseurs. On a droit à mettons pour les bières, une bière locale, une compagnie de bière locale, une compagnie de bière étrangère. Yeah. Pour les automobiles, je crois que c'est un peu le même principe. Donc, je sais pas exactement. Mais ça, par tranche de par heure. Je crois que c'est par le Super Bowl. Écoutez, mais je dis ça, c'est toute réserve. Et Pour revenir sur le Bacon Explosion, Danny Janvier, notre collègue de l'émission du midi, le Dîner de con, l'a essayé. Les images s'en viennent. Il a fait ça en fin de semaine hier. François a dit « Arc », évidemment, ça. Et Danny de répondre « Non, c'est très bon. Faut juste pas se faire que ça. Si on est seul, ou se faire ça si on est seulement une ou deux personnes. Ouais, » C'est pour vous qui avez répondu « Arc » 15 personnes. C'est pas toi qui as répondu « Arc » Non, je pense que c'est à toi. Non, moi non plus. OK, bon, ben, votre compte Twitter est hacké, les amis. Votre compte Facebook. Facebook. Ah, ouais, bon, ben, Danny, du courage, Danny. Félicitations, j'imagine. Ouais, c'est ça. Il y a des restants pour le. Je regarde l'image, là, c'est gras. Congélant, c'est gras. Hey, toujours important, il faut assaisonner. Oui, puis il y a du frosting dessus aussi. Puis quelque chose à boire aussi, là. Faut que ça passe, là. Ah, ben, ça, c'est. Ouais, buvez de la light avec ça, là. Il n'y a pas de la liqueur au bacon sur Thing Geek? Je sais pas, mais buvez de la Molson Canadian 67, il y a moins de calories. Non, oui. Compensé. Faire attention à ça. Compensé. Nicolas Ducharme, du Charme et du Sport, de retour la semaine prochaine. Hey, merci, même si c'est le lendemain du Super Bowl, tu t'appelleras pas. Je vais être là. T'es mieux de pas encore là. Parce que sinon, on t'appelle et on l'a fait quand même. C'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin entre 7h et 9h pour une autre édition toute nouvelle et complètement super le fun, comme toujours. Demain, l'émission, on va avoir Stéphanie Gagné et sa chronique Ton plat favori vers les 7h30. On a aussi à 8h30 la chronique de Sébastien Dulude. Va voir ailleurs, j'y suis. Fantastique. Voilà. Voilà, restez sur nos ondes pour l'émission Les Innés de Con à 11h avec Danny Janvier. Il va sûrement vous parler de sa grosse saucisse. À 13h, les femmes restent fous avec moi-même et Marie-Pierre. Jasmine Raymond-Dréville. Et puis Le Boudoir avec la musique émergente commence à 16h. On se quitte avec une pièce des Delaware Chucks. C'est très à propos. Hein. Pour leur album Le Tour du Chapeau, voici Goon. 89 FM, bonne journée. Bye. Bye.